Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour et bienvenue dans la case du week-end. Il est 10h11, c'est parti. Nous sommes là, et bien, jusqu'à midi en direct, bien sûr, avec de la très bonne musique à commencer dans quelques instants. Jonas avec This is Heaven arrive dans les prochaines minutes sur Radio Antigone. Il y aura également Radiohead avec Bloom. Mon dernier souffle, je voudrais faire le bien et puis soigner les gens de cette vie qui les ronge et qui les... Pardon, excusez-moi, c'est ça, c'est Terre Noire avec Jusqu'à mon dernier souffle que nous allons donc écouter dans les prochaines, dans la prochaine demi-heure sur Radio Antigone. Et puis le prochain classique musical de la case du week-end, vous le savez, chaque jour nous écoutons un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Et le premier classique musical aujourd'hui, eh bien, sera, attendez que je vous le retrouve, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une catastrophe? Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais c'est pas bien ça. Enzo, prépare mieux ton émission, allons. Le prochain classique musical, donc, eh bien, mais, je ne comprends plus rien en fait. Ah oui, il y a un problème de programmation, effectivement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas mis. Il y a deux fois Tom Gregory et River, donc j'ai fait n'importe quoi, effectivement. Bon, en tout cas, le prochain classique musical sera Raining Man. Heureusement que je connais un peu ce que j'ai préparé, donc que je peux improviser même sans avoir le texte. Bienvenue donc dans la case du week-end qui commence dans un instant avec eh bien l'horoscope qui commence, elle a débuté, hein. Mais première chronique, l'horoscope arrive dans quelques instants sur Radio Antigone. Yes. No Wars, c'était Buds Dits Money dans la case du week-end de Radio Antigone. Et voici votre horoscope à 10h17. Tout pile, on commence par les béliers. Les béliers, journée agréable pour les couples. Certains d'entre vous vont se lancer dans un projet ou une nouvelle activité en commun avec leur partenaire. On continue avec les taureaux. Vous êtes sur le point d'effectuer une importante transaction immobilière. Vérifiez soigneusement que tout est bien en règle. Les gémeaux, si vous occupez déjà un poste de direction, vous augmenterez sans peine votre prestige en mettant en place d'utiles innovations. Les cancers, eh bien aujourd'hui, ni la bonne humeur ni le tonus ne vous feront défaut. Les lions, en couple, les tensions vont s'atténuer, mais n'espérez pas amadouer votre partenaire en vous contentant de belles promesses ou d'étreintes passionnées. Les vierges, eh bien cette journée sera plutôt favorable aux efforts intellectuels. Les balances, des imprévus sont à prévoir dans votre travail, ne réagissez pas de façon intempestive, sinon il en résultera des incidents préjudiciables à votre carrière. Les scorpions, eh bien un meilleur tonus général que dernièrement, vous saurez adopter une bonne hygiène de vie aujourd'hui, ce qui vous fera le plus grand bien. Les sagittaires, gare au mauvais jeu, ne cherchez surtout pas à provoquer la jalousie de votre partenaire dans le but qu'il vous regarde davantage. Les capricornes, donnez votre préférence à une cuisine simple et naturelle à base de produits très frais et d'excellente qualité. Les Verseaux, aucun problème dans le secteur familial, il y aura donc toutes les chances que votre vie de famille suive son cours sans événement notable à signaler. Et on termine avec les Poissons. Les Poissons, ambiance astrale de la journée dominée eh bien par quelques influx jupitériens, facteur de vitalité physique. Donc tout va plutôt bien aujourd'hui pour vous les Poissons. Voilà pour votre éphéméride. Excellente journée à tous. Le titre actuel. Dans quelques minutes, nous allons parler économie avec Dominique Bayard et parler de la Tunisie qui en appelle au Fonds monétaire international pour faire face à sa dette. Voici Nick Jonas. Without fear, leave it all behind, we're escaping. If you told me that my fate was on your fingertips, then I wouldn't believe it, I wouldn't believe it, yeah. Every kiss with you, it's like a prayer falls from my lips. Now I'm a believer, yeah, I'm a believer. This is heaven, and I don't know how this could get much better.

Nick Jonas sur Radio Antigone. C'était This is Heaven à l'instant. Aujourd'hui, l'économie. Et donc, l'heure de parler économie, bien sûr, comme tous les week-ends, avec Dominique Bayard aujourd'hui. Bonjour, ma chère Dominique. Dominique, la Tunisie en appelle au Fonds monétaire international, le FMI, pour faire face au mur de la dette. Son ministre des Finances est à Washington cette semaine pour entamer les discussions avec le FMI dans un contexte sanitaire et social explosif. Oui, en Tunisie, la campagne de vaccination est encore balbutiante et les hôpitaux débordés frôlent la pénurie d'oxygène. Mais le Premier ministre estime que son pays ne peut pas se payer le luxe d'un nouveau confinement pour endiguer cette troisième vague de contamination parce que l'économie est en déroute et les finances publiques aux abois. Les industries qui fournissent du travail, des devises, le tourisme, le textile ont été décimées par le confinement imposé au monde entier depuis un peu plus d'un an. Résultat, les dépenses sociales de la Tunisie se sont envolées et les rentrées fiscales ont plongé. Le déficit budgétaire de 2021 triple par rapport à l'année précédente. Il représente 11,5% du PIB et la dette représente maintenant 100% du PIB. Dominique, pour continuer avec cette question, la Tunisie pourrait-elle se retrouver tout simplement en défaut de paiement ? Alors c'est une menace à moyen terme. Cette année, le gouvernement doit rembourser au moins 1 milliard de dollars aux États-Unis. Les échéances seront beaucoup plus élevées les années suivantes. Plus le mur de la dette se rapproche et s'élève, plus il est urgent d'agir. Certains experts penchent pour une annulation de la dette, une restructuration. Le gouvernement écarte cette option parce que ses effets sur un pays à revenus intermédiaires sont assez négatifs. Cela retarde d'autant son retour sur le marché et la Tunisie a absolument besoin de lever des fonds pour financer son développement. Les plans successifs d'aide internationale accordés depuis 10 ans n'ont pas suffi. L'intérieur du pays souffre toujours d'un sous-développement chronique. Le chômage affecte aujourd'hui près de 2 actifs sur 5. Alors, après avoir obtenu une facilité de paiement du FMI de 750 millions de dollars l'an dernier, dans le cadre de la pandémie, la Tunisie demande maintenant une rallonge beaucoup plus importante, 4 millions de dollars pour boucler son budget, pour sortir de cette spirale du surendettement. Négocier avec le FMI, cela veut dire accepter une cure d'austérité, Dominique ? Eh bien, le FMI, qui est dirigé aujourd'hui par la Bulgare Kristalina Georgieva, n'est plus celui des années 80, obsédé par les coupes sombres dans les pays qu'il soutient. Mais ses principes n'ont pas beaucoup changé. Il ne prête qu'aux pays qui consentent des programmes d'économie drastiques. Couper dans les subventions à l'alimentation ou à l'énergie, par exemple, proposent ses experts, mais en préservant des aides ciblées pour les plus pauvres, le FMI demande aussi des coupes dans les dépenses de salaire de la fonction publique. Ces dépenses représentent 17% du PIB, l'un des niveaux les plus élevés au monde. À titre de comparaison, la France, souvent présentée comme un pays avec un secteur public important, consacre 13% de son PIB au salaire de ses administrations. Dans son rapport sur la Tunisie publié en janvier, le FMI appelle à un nouveau pacte social. Oui, un pacte qui a été trouvé avec l'UGTT. Le principal syndicat accepte les dégraissages dans la fonction publique, mais il reste opposé à toute privatisation. C'est la troisième exigence du FMI, car les entreprises publiques tunisiennes sont elles aussi très endettées, peu compétitives. Ces demandes du fonds ne sont pas très originales. Elles figuraient déjà sur la feuille de route du programme engagé en 2016, mais les méandres, les rebonds des multiples crises que traverse la Tunisie depuis 10 ans les ont fait passer au second plan. Il lui faut aujourd'hui avancer à un moment encore plus critique. Le gouvernement tunisien doit tout faire pour sauver des vies et en même temps imposer une purge forcément impopulaire. Les Tunisiens ont environ 2 mois devant eux pour parvenir à un accord avec le FMI, un accord le plus efficace et le moins douloureux possible. Merci beaucoup Dominique Bayard de la rédaction de RFI pour aujourd'hui l'économie. Radio Antigone. Deuxième demi-heure de la case du week-end, bienvenue, il est 10h33, du retard. Radio Antigone, la radio à vif. Et donc l'heure de faire un nouveau point sur toute l'actualité de ce dimanche 9 mai 2021. Et à la une aujourd'hui. Partons dans le Var tout d'abord avec cette nuit de violence à Fréjus. 3 véhicules ont été incendiés et une dizaine de commerces dégradés dans le quartier Lavadel. La police a été victime de jets de projectiles. Aucun blessé n'est à déplorer. Continuons avec cette tribune, un cri d'alarme. Une vingtaine de médecins et chercheurs ont déploré ce dimanche dans une tribune au journal du dimanche que la levée progressive des restrictions prévues par le gouvernement face au Covid-19 était davantage, je cite, guidée par les desseins politiques que par un objectif sanitaire. Les médecins qui citent également l'Institut Pasteur qui eh bien expliqué que seul un scénario optimiste pourrait permettre d'éviter un rebond épidémique durant l'été. Rappelons eh bien que les magasins, les lieux culturels ainsi que les commerces devraient rouvrir le 19 mai prochain. Les conditions d'un référendum sur le projet inscrivant la protection du climat dans la Constitution ne sont pas réunies, estime le député La République En Marche Pierre-Alexandre Anglade dans les colonnes encore une fois du journal du dimanche. De son côté, eh bien, l'Élysée assure auprès de l'AFP que la modification de l'article 1er de la Constitution pour y intégrer la protection du climat n'est en rien enterrée. 40 ans après l'élection de François Mitterrand, la Mitterrand dit se retrouve au Creusot en Seine-et-Loire. En Saône-et-Loire, pardon, à l'invitation du maire PS David Marty pour célébrer cet anniversaire, donc 40 ans de l'élection de François Mitterrand, l'ancien président François Hollande, les anciens premiers ministres Lionel Jospin et Bernard Cazeneuve, ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo seront présents. Voilà pour ce rapide point sur l'actualité. Retour de l'actualité avec un flash un peu plus complet. Tout à l'heure, à 11h, il y aura également la météo. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci d'être toujours à l'écoute de Radio Antigone. Excusez-moi pour le petit blanc qu'il y a eu tout à l'heure. Voilà, je m'en excuse et j'espère que ça ne se reproduira pas. À suivre dans la case du week-end, eh bien, un très beau programme. Comme chaque jour, les actus du numérique arrivent dans quelques instants pour parler, bien sûr, numérique, hein, c'est dans le nom de la chronique. Mais oui, il y aura également l'éphéméride de ce dimanche 9 mai 2021. Les actus des médias seront également présentes et je vous l'ai dit, les actus des médias sont chargées actuellement. Donc j'ai plein de choses à vous parler, je vous en dis pas plus. Voilà, je ne vous dis que le titre des chroniques et pas le contenu aujourd'hui dans cette intro. Niveau musique, voici ce qui arrive avec, eh bien, tout d'abord Tom Gregory et son tout dernier titre, Rivers. And I'm on my knees and I'm rolling by the river trying to get back on my feet. You still call me deep, I can't get no sleep. D'ailleurs, il n'y a pas de S à River, donc c'est juste River, voilà. Et le prochain classique de la case du week-end sera les Weather Girls. Seront. Les Weather Girls avec It's a Raining Man arrivent avant 11h dans la case du week-end de Radio Antigone. Les actus du numérique donc, c'est à suivre. Juste après Terre Noire, voici le titre extrait de l'album Les Forces Contraires 2020, Jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle, je voudrais faire le bien. Et puis soigner les gens de cette vie qui les ronge et qui les retient là sur le sol. Là me poser sur le mémoire de forme. Jusqu'à mon dernier souffle, j'imaginerai le pire. Je suis pas mauvais pour ça, j'ai dû prendre de mon père. Je vis doucement, je vais vers le bonheur. Et toujours le chercher, quelle erreur. Je suis toujours à Clichy. Ça fait plus de 7 ans, je ne compte même plus le nombre de filles, le nombre de nuits passées sous ces toits, à rouler des étoiles entre mes bras. Je suis pas un gars d'ici, je suis loin de chez moi. Ces enfants de terre noire ont très bonne mémoire. Je me souviens la métard et les collines dorées par le soleil du soir. C'est l'heure de rentrer, papa nous sifflait, le jour s'embrume. Mon manger en silence devant la télé. Gamotière, Perrotière, Saint-Jean, Saint-Cham, La Métard, le château, la maison, le cimetière, Saint-Jean, La Métard, Terre Noire, Terre Noire, Paradiso, Paradiso. Jusqu'à mon dernier souffle, j'irai vers ton corps souple, et je m'inventerai une vie heureuse, une vie où on serait deux, une maison merveilleuse, au bord d'une rivière qu'on aurait inventée. Terre Noire sur Radio Antigone, mais oui, c'était Terre Noire, et Enzo était, eh bien, était Terre Pala, voilà. Allez, les actus du numérique, tout de suite. Mince, je n'ai pas mon téléphone. Radio Antigone, les actus du numérique. Les actus du numérique, oui. De quoi voulais-je parler? Bien, je ne sais plus, puisque j'ai laissé mon appareil qui avait le texte à un autre endroit, voilà. Ce qui n'est pas très très pratique, bien sûr. On va pouvoir parler tout de même, voilà, de Windows une nouvelle fois et de Microsoft Windows 10X. Et oui, 10X, puisque on en a parlé, hein, c'est une nouvelle mise à jour qui devait arriver, eh bien Microsoft semble avoir pris une décision radicale. Windows 10X, dont on a parlé déjà il y a quelque temps, est mis de côté en ce moment, puisque Windows 10 21H2 alias Sun Valley est la priorité. Donc l'OS de Windows 10 qui est pensé pour répondre aux besoins des appareils à double écran, Windows 10X, devait normalement arriver cette année, mais selon un nouveau rapport, le planning est chamboulé une nouvelle fois. La mise à jour Sun Valley est donc la priorité. C'est la plus importante mise à jour de Windows 10, hein, pour l'instant. Un rafraîchissement très très important de l'interface, on en a déjà parlé. Et donc de nouvelles, de grosses nouveautés. Mais donc voilà, il faut savoir que pour l'instant, Windows 10 X, consacré, eh bien, prévu pour les écrans, pour les appareils à double écran, est mis de côté par Microsoft pour cette grosse mise à jour qui devrait arriver très prochainement, hein, sur tous vos appareils. Un design qui a déjà commencé à être mis en place, hein, avec les dernières nouveautés qui reprennent ce design que vous allez voir apparaître pour cette mise à jour Sun Valley, qui est donc la priorité. J'ai l'impression de me répéter sur ces actus du numérique, mais bon, ce n'est rien, ce n'est rien. Est-ce que je pourrais pas terminer rapidement par un petit bon plan? Est-ce que ça serait pas une bonne idée, ça, peut-être? Ouais, hein, peut-être une bonne idée de faire un petit bon plan avec une offre disponible seulement aujourd'hui si vous voulez un nouveau smartphone, le nouveau OnePlus 9, et coûte déjà, eh bien, 200€ moins cher. Il est disponible en forte promotion sur Rakuten. Vous pouvez obtenir ce nouveau smartphone pour 509€ en utilisant le code promo disponible dans un article de frandroid.com. Sachez que le téléphone est normalement commercialisé depuis quelques jours seulement à 719€. Voilà, voilà, voilà. Le code, il est simple, c'est Rakuten 30, tout attaché, R-A-K-U-T-E-N 30. Voilà. Voilà pour ces actus du numérique qui reviennent dans une heure et qui seront un peu mieux, je vous le promets. Il est quelle heure sur Radio Antigone? Il est 10h43. Dans un instant, l'éphéméride. Il y aura les actus du numérique ainsi qu'un titre classique. Le titre actuel. Mais voici Tom Gregory tout de suite. Deep, I can't get no sleep, and I'm rolling by the river, trying to get back on my feet. Goddamn, you woke up the ghost in me, and now I need a minute to breathe, 'cause I'm losing my self-control. Ooh. That's right, I'm wearing my heart on my sleeve. That don't mean I want it to bleed, but I'm walking down your road. Ooh. Oh, be alright. I've been thinking that I'm alright. Now I'm realizing get no sleep. And I'm rolling by the river, trying to get back on my feet. And you still cut me deep. And I'm on my knees. And I'm rolling by the river, trying to get back on my feet. You still cut me deep. I can't get. C'était Tom Gregory avec Rivers dans la case du week-end de Radio Antigone. Il est 10h46, voici votre éphéméride. L'éphéméride. Nous sommes donc le dimanche 9 mai 2021. Et oui, déjà 2021, le dimanche 9 mai. Bonne fête aux Pacôme, aux Coraline, aux Isaé, aux Marie-Thérèse ainsi qu'aux Tudy, ainsi également aux Marité. C'est aujourd'hui la journée de l'Europe, ainsi que le jour de l'orgue. Voilà, voilà. Voici un événement s'étant déroulé un 9 mai avec ce traité de Saint-Omer entre le duc de Bourgogne Charles le Téméraire et le duc d'Autriche Sigismond de Hagbourg, signé en 1469. Le traité prévoyait la cession en cage au duc de Bourgogne des territoires de la Haute-Alsace en Haute et en Forêt-Noire qui appartenaient à la maison d'Autriche. Le traité est signé contre le versement d'une somme de 50 000 florins en or. Le traité prévoyait également une alliance défensive. Et on termine avec les anniversaires des stars. Aujourd'hui, bien sûr, peut-être. Si je retrouve ma liste d'anniversaires. Voilà, alors, bon anniversaire aujourd'hui. Eh bien, si ça veut bien fonctionner, je ne sais pas. Bon anniversaire à la sportive Marie-Josée Pérec. Bon anniversaire à l'ancienne présentatrice du journal de France 2, Béatrice Schoenberg. Bon anniversaire également, à qui d'autre? Eh bien, je ne sais pas, au chanteur Bono, voilà, ainsi qu'à Aya Nakamura, qui a aujourd'hui 25 ans, né en 1995. Voilà pour votre éphéméride. Bon anniversaire, d'ailleurs, si vous êtes né un 9 mai. Mais oui. Le classique de la case du week-end. Dans quelques instants, je vous propose que l'on parle média dans la case du week-end de Radio Antigone. Mais là, voici un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Un titre que tout le monde adore, j'en suis sûr. Voici les Weather Girls avec It's Running Man. And have we got news for you? You better listen. Rising. it's raining men. Mais qu'il est beau ce titre des Weather Girls. C'était It's Mer ou Raining Men. It's Raining Men. Men. Oh là là, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Attention, je reprends. C'était It's Raining Men sur Radio Antigone. Il est 10h52. Radio Antigone. Les actus des médias. Voici le dossier le plus chaud, le plus brûlant de l'année du côté des médias. La fusion ou l'acquisition de M6. M6 qui, on le rappelle, devrait être cédé par la société allemande de Bertelsmann. Et il se peut que cette société choisisse le nouveau propriétaire après le week-end de l'Ascension. C'est donc tout proche, tout près. Rappelons, eh bien, que sont sur le coup de nombreuses personnalités des médias. Hein, donc Xavier Niel, Vincent Bolloré ou encore Martin Bouygues. Au sommet de l'État, visiblement, on privilégie le propriétaire de TF1. Et oui, c'est ce qui serait, c'est ce qui serait dans les tuyaux actuellement, puisque le propriétaire de TF1, Martin Bouygues, serait le plus pressenti au rachat de M6. C'est la dernière information qui nous est arrivée cette semaine, et donc une décision qui devrait peut-être être prise après le week-end de l'Ascension. C'est donc tout proche pour savoir ce que va devenir le groupe M6 dans les prochains mois, dans les prochaines années. Rappelons qu'il y a un problème, hein. Si c'est TF1 qui rachète le groupe M6, il y a un problème du côté du nombre de chaînes, puisque les deux groupes confondus, il y aurait un nombre de chaînes de la TNT trop important par rapport aux droits, aux autorisations, voilà. Un groupe ne peut pas avoir plus d'un certain nombre de chaînes, et or là il y en aurait trop. C'est donc un sujet très très intéressant. Le CSA va-t-il laisser un peu de marge à TF1? Bon, on verra ça. En tout cas, voici ce que nous pouvions vous dire actuellement du côté de ce potentiel rachat avec les dernières informations qui nous sont parvenues cette semaine. Et merci à nos confrères de Libération ainsi que le journaliste Jérôme Le Filiatre qui nous a communiqué toutes ces informations. Les actus des médias reviennent quand? Elles reviennent dans une heure, bien sûr. Mais en attendant, peut-être que je peux vous parler d'autre chose, puisque j'ai encore du temps, mais oui. Je suis là, pardon. Continuons donc à parler médias, et oui, avec eh bien une autre actualité peut-être, que je vais peut-être réussir à trouver, même si je ne sais pas, et oui. Parlons des régionales, et oui, des élections régionales qui approchent, et nous avons appris eh bien que BFM TV et certaines de ses déclinaisons locales vont organiser des débats entre deux tours. Deux débats sont prévus, le premier sera eh bien en Île-de-France, et le second sera dans les Hauts-de-France, donc un qui sera diffusé sur BFM TV et BFM Paris, et l'autre sera retransmis sur BFM TV ainsi que sur BFM Grand Lille, Grand Littoral, nouvelle chaîne locale depuis déjà un an je crois, hein, pour cette déclinaison locale de BFM TV. Le 24 juin donc, eh bien il y aura eh bien un débat qui se tiendra pour les Hauts-de-France sous la houlette de Jean-Baptiste Boursier accompagné d'Adrien Lannoy. Rappelons qu'il y aura également deux débats sur LCI, avec mardi LCI Moretti qui a annoncé sa candidature. Vendredi, dernier débatteur, Karim Adeli de l'Union de la Gauche et des Écologistes. Deuxième débat prévu donc par LCI, il est en Île-de-France et il est prévu le 14 juin. Il devrait voir s'affronter la présidente sortante de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, Audrey Pulvar, l'écologiste Julien Bayou, Jordan Bardella du Rassemblement National, Laurent Saint-Martin de La République En Marche, Clémentine Autain de La France Insoumise, Alexis Villepé du DLF et Nathalie Arthaud de LO. Voilà pour ces actus du numérique. Dans quelques instants, eh bien, je vous propose que l'on fasse un nouveau point sur l'actualité. Et oui, l'actualité de ce dimanche 9 mai arrive dans quelques minutes. Il y aura également un nouveau point sur la météo. Mais pour l'instant, voici un petit peu de musique avant l'archive pub et le Musicator 2000. Clara Luciani avec Pleure, Clara, Pleure. 2017 pour ce titre déjà. Je suis la pleureuse italienne, recroquevillée sous le chêne, d'un cimetière imaginaire où l'on n'enterre guère que de l'air, où pourvu qu'une guerre explose, pourvu qu'un tyran s'interpose, j'aime tant pleurer avec mes frères, oui c'est très beau de les voir faire. Soldat à attendre, une raison pour mon cœur tendre de se confondre en sentiments, c'est ainsi qu'ils se sont vivants. Ma main gantée tient le mouchoir, tout mouillé de mon désespoir, c'est moi assise dans ton ombre comme la nuit qui vient et sombre. Clara Luciani avec Pleure, Clara, Pleure. C'était sur Radio Antigone. Voici eh bien la suite de cette émission. Radio Antigone. ça s'est senti que je ne savais pas quoi dire. Bienvenue, il est 11h. Radio Antigone, la radio à vif. Alors, bien sûr, de faire un nouveau point sur l'actualité de ce dimanche. Aujourd'hui, le cri d'alarme d'une vingtaine de médecins et chercheurs qui ont déploré ce dimanche 9 mai dans une tribune au journal du dimanche que la levée progressive des restrictions prévues par le gouvernement face au Covid-19 était, je cite, davantage guidée par des desseins politiques que par un objectif sanitaire. D'après l'Institut Pasteur, seul un scénario optimiste permettrait d'éviter un rebond épidémique durant l'été, assure ce... cette tribune d'une vingtaine de médecins, donc, alors que le conseil scientifique affirmait le 21 avril que la situation sanitaire restait préoccupante, les magasins, les lieux culturels ainsi que les terrasses doivent réouvrir le 19 mai. À la une également, aujourd'hui, le centre de vaccination du stade Robert Poirier de Rennes est à la recherche de médecins, et oui, puisque les 4 médecins pompiers qui œuvrent actuellement dans ce vaccinodrome ne vont bientôt plus être suffisants pour faire face à la montée en puissance de la vaccination. C'est ce que nous rapporte France 3 Bretagne. Appel aux volontaires donc pour ce vaccinodrome du stade Robert Poirier de Rennes. La vaccination est désormais ouverte à tous les adultes présentant au moins une comorbidité sans qu'ils aient besoin de présenter un certificat médical. Pourtant, certains centres demandent ce justificatif. La situation vire au casse-tête à certains endroits. Les personnes interrogées par une journaliste de France Info le montrent. Je vous indique donc à aller voir son article sur franceinfo.fr. À la une également, et aujourd'hui, eh bien, une forte augmentation du nombre de cyclistes depuis le début de la pandémie de Covid-19. Rien que dans la capitale française, le nombre de vélos a augmenté de 66% entre 2019 et 2020. Un terrible attentat à la bombe, plusieurs attentats à la bombe perpétrés hier près d'une école pour filles dans un quartier de Kaboul. Le bilan s'élève malheureusement désormais à 50 morts selon le ministre de l'Intérieur afghan. Une voiture piégée a explosé devant l'école et deux autres bombes ont explosé au moment où les élèves paniqués se précipitaient dehors. C'est aujourd'hui les 40 ans après l'élection de François Mitterrand. Aujourd'hui, eh bien, l'invitation du maire PS de la ville du Creusot, l'ancien président François Hollande, les anciens premiers ministres Lionel Jospin et Bernard Cazeneuve, ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo vont être présents pour une cérémonie anniversaire. Voilà pour ce point sur l'actualité. Je vous propose maintenant que l'on fasse quoi ? Eh bien, qu'on fasse un point sur la météo, bien sûr. Peut-être, si ça veut bien partir. Ça ne veut pas partir, la météo. La météo, donc... ça veut bien fonctionner pour moi, ce qui n'est pas le cas. Voilà, j'ai le site de Météo France qui ne fonctionne pas pour moi, donc c'est très bien. Je vais aller sur la météo. Est-ce que je suis à l'antenne déjà? Ça, c'est une très bonne question à me poser. Oui, normalement, je suis à l'antenne. Voici donc la météo. Est-ce que je pourrais avoir peut-être une carte météo puisque le site de Météo France ne fonctionne pas? Et comme cette émission est très mal préparée, j'ai totalement rien pour faire la météo. Alors, la météo, de cet après-midi. C'est plutôt beau et plutôt pas beau. Voilà, vous allez avoir du soleil un peu partout, mais sur toute la partie ouest de la France. France, eh bien, s'il y a du soleil, il y aura également de la pluie et même des orages. À certains endroits, les températures seront très très élevées. Aujourd'hui, comptez 25 degrés à Lyon, 26 degrés à Orléans, 24 degrés à Biarritz, 23 degrés à Rouen, où là, les risques d'orages sont très très forts. Du côté de Strasbourg, grand soleil et 28 degrés, quelques nuages à Marseille ainsi qu'à Nice, mais les températures pourront quand même aller jusqu'à 24 degrés. Demain matin, eh bien, comment ça se passera? Eh bien, ça sera un peu pire, hein, puisque les pluies vont se décaler vers l'est de la France, mais seront toujours présentes du côté de l'ouest. Voilà pour votre météo. Prochain point tout à l'heure à 10h30, 11h30, pardon. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Vous êtes là et vous avez bien raison. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui à animer. J'espère que cette émission vous plaît quand même. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être à notre écoute comme chaque week-end en direct jusqu'à midi pour cette case du week-end. Au programme dans quelques instants, eh bien votre archive pub, une redécouverte d'une vieille publicité, nous irons en 2000. Aujourd'hui, il y aura également le Musicator 2000. Je vais aller au hasard sur une radio d'un autre pays et nous allons écouter la musique diffusée actuellement sur cette radio. Il y aura le programme télé, les actus, aujourd'hui l'économie, pardon. Nous allons aujourd'hui, dans aujourd'hui l'économie, parler de la filière karité. Oui, on va parler du beurre de karité qui est elle aussi est affectée par l'épidémie de Covid-19. Toutes les informations avec Marie-Pierre Olfan tout à l'heure à 11h23. Voilà pour le programme de la prochaine demi-heure, programme qui sera accompagné bien sûr de musique. Et oui, à suivre sur Radio Antigone, l'excellent Marc Robillet avec Rich Root. C'est en même temps calme, rythmé ce titre de Marc Robillet qu'on va écouter dans quelques instants. Et le prochain titre actuel, un titre tout récent, eh bien sera Zach Tenenbaum avec Just for the Night. Qui arrive dans quelques instants donc sur Radio Antigone, juste avant aujourd'hui l'économie, donc c'est dans moins de 20 minutes. Et du côté eh bien du classique musical, vous le savez, chaque heure nous écoutons un grand classique de la chanson internationale et le prochain sera Toto. Hold the Line arrive avant midi dans la case du week-end de Radio Antigone. Quelle heure est-il? Eh bien, il est 11h08, il est donc l'heure de l'archive pub. Oh là là, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal aujourd'hui à faire des phrases, à ne pas me tromper dans ce que je veux dire. L'archive pub. Retour en 2000. Aujourd'hui, vous le savez, chaque week-end dans la case du week-end, nous réécoutons une vieille publicité en guise d'archive. Et aujourd'hui, je vous emmène donc, je vous l'ai dit, en 2000 avec cette publicité que j'ai trouvée sur la chaîne YouTube de Dastini qui a reposté des publicités disponibles sur le site Lina. Voilà, bon, bah c'est lui qui le dit. Hein, tout droit réservé aux propriétaires de chaque publicité et à Lina. Mais en tout cas, la vidéo est publiée sur YouTube. Les meilleures pubs des années 2000, épisode 2, dont voici la première publicité pour quelque chose eh bien, qui est assez bon, je crois. La nouvelle Danette, goûtez au lait. La queue des bons côtés. Un délicieux côté chocolat si gourmand. Et un côté lait tout doux. Un côté lait pour le calcium. Et un côté chocolat pour le plaisir. Et on adore. Nouvelle Danette, goûtez au lait. Le goûter qui n'a que des bons côtés. Voilà pour cette publicité pour les Danettes, comment déjà, j'ai déjà oublié, les Danettes goûtées au lait, voilà, qui étaient nouvelles à l'époque, je ne sais pas si elles existent encore, je ne suis pas sûr. Danette, pour rappel, qui est une marque commerciale créée par la société Danone en 1970 et qui est popularisée par le fameux slogan qui a été repris pour les publicités très récentes. On se lève tous pour Danette, chantée notamment par Gottener. La marque est commercialisée dans une vingtaine de pays seulement hein, et selon une étude IFOP pour le secteur commercial, elle est la crème préférée des Français en 2008. Voilà pour cette petite histoire de Danette, histoire très rapide, hein. Je suis un petit peu en retard. Je vous propose que nous passions à la suite de cette émission. La case du week-end est en direct jusqu'à midi, je vous le rappelle. Excusez-moi encore pour ce blanc, voilà, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, comme en ce moment, hein, voilà. Mais je tiens à faire les émissions, j'espère qu'elles vous plaisent quand même, mais je m'en excuse, voilà, et j'ai du mal à parler aussi. Donc, je sais pas si c'est vraiment très agréable, n'hésitez pas à me disputer, hein, sur les réseaux sociaux, à me contacter. Vous me dites, Enzo, t'arrêtes, c'est une catastrophe, et je le fais avec grand plaisir. Non, quand même pas, parce que j'adore animer cette émission. Mais je vous écoute, chers auditeurs. Vous êtes peu, mais je vous écoute. Si vous me dites d'arrêter, j'arrête. Quelle heure est-il? Eh bien, il est 11h11. Je vais pas perdre plus de temps et passer directement au Musicator 2000. Le Musicator 2000. Vous le savez, chaque week-end, nous écoutons eh bien des musiques actuellement diffusées sur une radio d'un autre pays. Aujourd'hui, nous partons dans quel pays? Eh bien, nous partons en Russie. Et oui, on part en Russie et on va écouter donc une nouvelle une musique, souvent une belle. Aujourd'hui, nous partons sur Pioki Pojo, qui diffuse actuellement un titre totalement imprononçable pour moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute. Voilà. Nous l'écoutons et puis je vous donne la prononciation juste après grâce à notre fameux Google Traduction qui permet aussi eh bien de dicter hein, de lire les différents mots écrits. Nous sommes donc sur une radio qui diffuse actuellement ce titre que l'on écoute tout de suite. Et désolé encore une fois pour ce gros blanc. Alors malheureusement le titre je ne le trouve pas, il n'existe pas. Si, voilà. Je peux vous dire qu'il se nomme Océan. Bon, bah, c'est déjà bien. Voilà, j'ai trouvé le nom en français parce que c'est écrit sur la miniature. Allez, on l'écoute tout de suite sur Radio Antigone s'il veut bien démarrer, que je ne perde pas encore plus de temps parce que là, je vais être très limite niveau temps. Est-ce que ça veut bien démarrer? Voilà. Красиво, на песке остается след, как курсиво. От всех пережитых лет, все спасибо. Я устала от всех, и я хочу быть счастливой. Только мне скучно. Знаешь, без тебя мне так скучно. Ты так громко на моем беззвучном. Пока на шее то, что делает нас неразлучными. Тут много стран, и целых. Прошлое стало лишь прошлым, а между нами не пошло. Разговоры о кольцах на пальцах, а не устройствах. Будто это бессонница нам к лицу в этом мире. И никто не дотронется, пока мы в квартире. Смотри, номер бывшего не пригодится, я от тебя не на шаг. Нельзя тебя знать и в тебя не влюбиться. Нельзя, ты пойми никак. Ты мне говоришь это и так не верится, что мог остыть вулкан. И самая вспыльчивая твоя спокойно плывет по волнам. Танцую, как будто рядом океан. И утром мы проснемся не в Москве. Хочу с тобой увидеть много стран и целоваться на глазах у всех. Танцую, как будто рядом океан. И утром мы проснемся дальше жить. Хочу с тобой увидеть. Radio Antigone, c'était Marie Cranberry avec son titre Océan qui vient de sortir. C'est tout neuf, l'album est sorti en 2021, donc le titre est très certainement tout récent. Diffusé eh bien sur Pepto FM il y a quelques minutes, c'est donc le principe du Musicator 2000. Nous l'avons donc écouté à l'instant, voilà, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que je viens de me rendre compte que ce n'est pas la bonne radio que j'ai dite. Nous étions plutôt sur Record Dance Radio. Voilà, c'est quand même mieux. Qui diffuse actuellement, eh bien, un titre de Dimitri Vegas et Ilke 5 ans, Super Powers. Si vous voulez écouter, mais je vous conseille vraiment de rester sur Radio Antigone. Je ne sais même pas pourquoi je leur fais de la promo. Voilà. On continue cette émission tout de suite. Quelle heure est-il? Oh là là, c'est une catastrophe. Ouais, ça va être juste. Allez. Voici tout de suite un petit extrait de Marc Rebillet avec Reach Out. Oh, merci d'être avec nous sur Radio Antigone. Vous venez d'écouter Marc Rebillet avec Rich Out. Et décidément, j'ai encore du mal à parler, voilà. Il est 11h20, pardon. Voici le programme télé. Radio Antigone, le programme télé. Très rapide, hein, pour ne pas prendre encore plus de retard, avec une petite sélection très très rapide, je pense. J'avais passé quelques chaînes hein, qui vous proposent des programmes très très habituels, des rediffusions habituelles de séries ou autres. On commence avec TF1, qui vous propose ce soir à 21h05 le film Radin. France 2, du cinéma également, avec Django Unchained à 21h05. Le film dure 2h45. Sur France 3, c'est inédit, c'est La Reine du Crime, l'affaire Florence Night Tangle, c'est à partir de 21h05 et c'est un film. Canal Plus vous propose du football avec la 36e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Sur France 5, le magazine Vivre dans l'Allemagne en guerre, si en guerre, voilà, tout simplement. J'ai vraiment du mal, même un programme télé, je n'arrive pas. À le faire normalement. Nous continuons, bien sûr, avec M6 qui vous propose à 21h05 Zone Interdite, suivi d'enquête exclusive. Sur Arte, le film La Caravane du Feu. Sur C8 du cinéma, également avec L'Alpagueur. On continue avec, Sister qui vous propose Twilight chapitre 5 Révélation deuxième partie et c'est suivi du chapitre 4 la première partie. Sur RMC Découverte, faites entrer l'accusé, et sur Chéri 25, une femme d'honneur. J'ai passé beaucoup de chaînes quand même, je trouve. Non, il m'en manque en fait, je sais pas ce qui me manque comme chaîne, je sais pas ce que j'ai fait, voilà. C'était donc ce programme TV catastrophique, mais de toute façon, je ne suis plus à l'antenne, visiblement, d'après ce que j'ai vu il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a eu un problème de connexion? Je vais voir ça. Pourtant, non, mais je ne suis plus à l'antenne puisque derrière, dans une autre pièce, j'entends la radio qui est en route et qui ne diffuse plus du tout ça, qui diffusait de la musique quand je parlais. Donc, je vais vite aller voir ça, mais bon, ce n'est rien. Je vais repartir à l'antenne dans quelques instants, le temps de lancer le titre actuel. Le titre actuel. Voici Zach Tenenbaum et Iladia, Just for the Night, avant de parler économie avec Marie-Pierre Olfon sur Radio Antigone. Wasn't looking for attention. No one night messy random. I just came for dancing. Dancing on my own. Yeah. I'm moving like I'm weightless. You stare me down to naked. Every signal that your body sends is an invitation and I'm saying yes. But if you wanna do it, do it, do it right. Hit me harder with your moon, moon, moonshine. Drink you up until I lose, lose my mind. But I don't mind, I don't mind. If you say jump, tell me how high. Cause I'm not afraid of falling just for the night. If you say without a mission, put the key in the ignition, like you drove this thing before. I'm ready for the races, so close I almost taste it. Every signal that your body sends is an invitation and I'm saying yes. If you wanna do it, do it, do it right. Hit me harder with your moon, moon, moonshine. If you say jump, tell me how high. Cause I'm Merci d'être à l'écoute de Radio Antigone. Avec un instant, Zach Tenenbaum et Iladia, c'était Just for the Night. Aujourd'hui, l'économie. La filière charité a été sévèrement affectée, elle aussi, par l'épidémie de Covid-19. Mais l'Alliance globale de charité qui s'est réunie cette semaine ne baisse pas les bras et entend ouvrir de nouveaux horizons pour la prochaine décennie. Les explications de Marie-Pierre Olfan de la rédaction d'RFI. Alors c'est une menace à moyen terme. Cette année, le gouvernement doit rembourser au moins 1 milliard de dollars aux États-Unis. Les échéances seront beaucoup plus élevées les années suivantes. Non, excusez-moi, ce n'est pas la bonne chronique, voilà. Dis donc, pour une fois que je faisais un bon lancement, eh bien, je n'ai pas la bonne bande-son. Marie-Pierre Olfan, êtes-vous là? Va-t-on vous retrouver peut-être, ma chère Marie-Pierre? Mais oui, Marie-Pierre, vous êtes là dans un instant, Marie-Pierre. En 20 ans, la demande internationale de charité et de ses dérivés a explosé dans les secteurs du chocolat et de la cosmétique. Des secteurs qui ont été très touchés par la pandémie. Ces derniers mois, la demande est également restée très modérée sur les marchés locaux. Peut-être là aussi une conséquence de l'épidémie qui a entraîné une baisse du pouvoir d'achat des ménages urbains consommateurs de charité. Une année sombre donc pour la filière, mais plus que jamais les acteurs affichent aujourd'hui leur volonté de rebondir et de s'investir dans la transformation de ce que l'on appelle l'or des femmes. Aujourd'hui, en effet, ce sont les amandes du fruit qui sont exportées essentiellement vers l'Asie, alors que les dérivés, le beurre et la stéarine, sont plus faciles à transporter et plus rentables. Le beurre de charité se vend 2 fois plus cher que les amandes. Les opérateurs du secteur aujourd'hui souhaite donc créer plus de valeur ajoutée pour exporter le moins d'amandes brutes possible. Ce qui veut dire construire des usines, mais des usines aux normes afin de pouvoir exporter du beurre de qualité. C'est capital pour attirer les clients et cela rassure les banques, rappelle Simbala Sila, premier producteur de karité au Mali. Selon une étude récente, les 3 clients les plus prometteurs pour la filière en Asie sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Sur le continent, les pays cibles pour le marché sont l'Afrique du Sud, l'Angola et le Kenya, qui ne sont pas producteurs de karité. Mais en s'internationalisant, le marché risque aussi de devenir plus complexe. L'augmentation des volumes ces 20 dernières années a déjà modifié les conditions de commercialisation du karité en Afrique de l'Ouest, explique un agronome, avec des prix plus fluctuants et globalement plus élevés. Une donnée avec laquelle les acteurs devront apprendre de plus en plus à jongler. Is in love with me. Me and Madonna. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. It's so wonderful to dance with you, you're my baby. Madonna is in love with me. Me and Madonna. With you, you're my silicon love, my silicon love. It's so wonderful to dance with silicon love. At you on MTV, it's so nice to get into the groove. Madonna to be with you. You're my silicon love. It's so wonderful to dance with you, you're my baby. Madonna is in love with me. Me and Madonna. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio Antigone. Vous venez d'écouter Black Strobes avec Me on Madonna sur Radio Antigone. Radio Antigone. La suite de la case du week-end pour encore une demi-heure. Il est 11h32. Radio Antigone. La radio à vif. Le flash est 10 départements du sud-ouest de la France placés en vigilance orange aux orages, 2 du sud-est au vent violent. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Charente qui sont donc en vigilance orange aux orages. La Loire et la Haute-Loire le sont pour vent violent. Cette vigilance est valable jusqu'à 14 heures pour les vents violents. Du côté des départements du sud-ouest de la France, la vigilance est valable à partir de 16h. À la une également, une partie de la fusée chinoise qui devait atterrir on ne sait où, s'est finalement désintégrée au-dessus de l'océan Indien. C'est le Bureau chinois d'ingénierie spatiale qui l'a affirmé. La fusée Longue Marche 5B a terminé sa course dans l'océan près des Maldives. Fin du suspense donc pour cette fusée chinoise qui devait faire son retour, qui devait chuter un objet de plus de 18 tonnes qui avait fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers jours puisqu'on ne savait où elle allait atterrir. Dans une tribune, une vingtaine de médecins et chercheurs déplorent que la levée progressive des restrictions prévues par le gouvernement face au Covid-19 était, je cite, davantage guidée par les desseins politiques que par un objectif sanitaire. C'est ce que ces médecins déclarent dans une tribune donnée au journal du dimanche. Voilà pour ce flash. Prochain point sur l'actualité, c'est le Radio-Journal dans moins de 30 minutes. Il sera préparé par nos confrères des RFI. La météo, et vous l'avez entendu dans le flash, c'est compliqué avec des vigilances orange aux orages et au vent violent. Voilà, donc c'est pas forcément très très beau. Et demain, même si les températures sont toujours élevées aujourd'hui, puisqu'elles sont quasiment partout au-dessus des 20 degrés, demain ça va rester à peu près pareil, mais la pluie va se décaler du côté de l'est de la France, ce qui va faire que toute la France va être sous la pluie demain, à part quelques zones localisé où il y aura du soleil, seulement quelques nuages mais pas de pluie. Et dans l'après-midi ça sera pire avec du côté sur une ligne Dijon-Montpellier vraiment de la pluie, de la grosse pluie, plus de soleil et les températures descendront seulement jusqu'à 14 degrés, ce qui est quand même assez élevé pour la saison. Les maximales seront de 20 degrés à Toulouse avec du soleil, 12 degrés à Rennes, 13 degrés à Nantes, 15 degrés à Lille. Et sachez que dans la nuit, ça va se gâter du côté de toute la partie sud de la France. En dessous d'une ligne Nantes-Strasbourg, vous aurez de la pluie, tout comme sur la pointe Bretagne. À Brest, par exemple, partout ailleurs, il y aura des nuages, mais pas de pluie prévue donc pour la nuit de lundi à mardi. Voilà pour votre météo. Bonne journée à tous. Voici la suite de la case du week-end, tout de suite. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, mais j'espère que cette émission vous plaît quand même, que ce n'est pas trop chaotique. Pour que vous puissiez vous faire plaisir avec cette émission, en plus je dois assurer les flashs et la météo aujourd'hui, donc c'est sûr que ça n'arrange en rien mes difficultés. Alors, le programme de cette case du week-end, eh bien, ce sont tout d'abord les actus du numérique qui vont arriver dans 5 minutes environ par le numérique, comme chaque week-end dans la case du week-end. Il y aura, eh bien, le tout dernier Dua Lipa dans quelques instants. Encore un grand tube de Dua Lipa à suivre donc sur Radio Antigone. Il y aura les actus du sport pour tout savoir sur le sport de ce week-end. Et puis nous écouterons également un grand classique musical avec Hold the Night, The Night, The Line. Oh là là, je veux reprendre. Et puis nous écouterons un grand classique musical avec Hold the Line. C'est Toto que nous allons écouter. Restez donc bien à l'écoute de Radio Antigone. Je viens d'entendre un gros bruit dans la pièce à côté. Je vais donc aller voir ce qu'a fait comme bêtise mon chat. Et puis je vous laisse avec Wax Taylor. Voici I Want On You sur Radio Antigone. Of a job you hate. Too bad, it's too late to forget where you're at. You have to admit, I own you. Yeah, that's true. I'm your TV. You pay good cash just to see me. Suck up your time with the lives of others. Mash up your brain to a frozen dinner. From lap to lips, subliminal clips. Engrave the words on your soul. Everyone knows you're keeping up appearances, for you don't dare to let it show. I own you. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, I'm your phone. You push all my buttons, we're never alone. It kills you to leave me at home. You think of the dribble you'd miss without the tender kiss of my tones. But moan, moan, moan. Vous êtes sur Radio Antigone, merci beaucoup d'être avec nous. Avec cette musique qui s'est terminée il y a déjà bien une trentaine de secondes, je crois, un peu moins. Excusez-moi encore pour ce blanc, décidément c'est une catastrophe aujourd'hui. I Own You, c'était Wax Taylor et Charlie Winston dans la case du week-end. Radio Antigone, les actus du numérique. Allez, parlons, eh bien, de téléphonie aujourd'hui. Et oui, et oui, et oui. Puisque la prestigieuse université de Princeton, eh bien, fait une découverte plutôt inquiétante. Et oui, en effet, il s'avère que des numéros de téléphone peuvent rester liés d'une manière ou d'une autre à leurs anciens propriétaires. Et par la même occasion, eh bien, l'exposer à de nombreux problèmes, notamment puisque le numéro en question peut souvent être encore lié à certains comptes et utilisé notamment pour récupérer un mot de passe ou un identifiant. Les chercheurs ont étudié 259 numéros de téléphone qui ont été mis à disposition par des abonnés de deux grands opérateurs américains. Et après une longue enquête, ils ont découvert que 171 numéros étaient encore liés à des comptes d'utilisateurs existants sur un grand nombre de sites web populaires, et 100 d'entre eux étaient déjà liés à des informations d'identification en ligne déjà victimes d'une fuite. De façon plus simple, ces numéros ont été compromis et peuvent donc être utilisés pour contourner soit l'authentification à double facteur, soit plein d'autres fonctionnalités qui utilisent le téléphone. Et cerise sur le gâteau, les chercheurs ont même découvert que certains numéros affichaient des résultats sur des annuaires inversés. C'est Phone Android hein, qui nous transmet toute cette information avec ce bel article que je vous propose d'aller lire dans le détail. Mais donc, cette université nous montre donc qu'il y a de nombreux risques hein, si vous recyclez vos téléphones ou si eh bien vous changez de numéro de téléphone surtout, puisque une fois que le numéro va être réattribué, les abonnés qui se voient réattribuer un numéro, eh bien finissent souvent par recevoir des communications destinées aux anciens propriétaires qui sur certains comptes qui sont liés à leur ancien numéro n'ont pas modifié ce numéro et reçoivent donc et qui les sites continuent à leur envoyer des informations commerciales ou alors vos données sont vendues hein, comme ça existe souvent et vous avez des publicités qui peuvent arriver. Les chercheurs recommandent donc, en particulier aux services en ligne, de ne plus assimiler l'entrée correcte d'un mot de passe reçu par SMS comme une authentification réussie par l'utilisateur, ce qui pose quand même de nombreux problèmes quand on sait que pour payer à une banque jusqu'à il y a quelques mois encore, eh bien, il suffisait de recevoir un numéro par téléphone. Bon, il fallait aussi le code de la carte, les numéros de la carte bancaire, mais on recevait un code par téléphone qui nous permettait de confirmer le paiement. Il existe encore plein d'autres services hein, qui vous permettent de confirmer des choses par téléphone. Soyez donc prudents, n'oubliez pas de changer votre numéro de téléphone pour ne pas avoir de problème vous-même et pour que les nouveaux propriétaires du numéro, la nouvelle personne à qui est attribué votre ancien numéro n'est pas de mauvaise surprise non plus. Voilà pour ces actus du numérique qui étaient compliqués une nouvelle fois. J'ai du mal à parler, je m'en excuse. C'est vraiment une catastrophe aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas comment je fais, je ne sais pas comment je m'y prends. Mais ça va le faire. On va terminer cette émission continuellement. Elle va bien se terminer. Je n'arrive même plus à parler, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Quand je pense que j'ai préparé l'émission pendant des heures et que c'est une catastrophe. Voilà, comme d'habitude. J'aurais mieux fait aller me coucher plus tôt, je crois. Allez, voici tout de suite un nouveau titre actuel sur Radio Antigone pour bien continuer cette émission. Le titre actuel. Et oui, puisque les deux dernières musiques que nous allons écouter sont de super bonnes musiques. Toto avec Africa arrive. Non, c'est pas Africa que je veux d'ailleurs. Pourquoi j'ai mis Africa? Qu'est-ce que j'ai fait sur mes... je ne comprends plus rien. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait, vraiment. J'ai fait n'importe quoi dans ma programmation. Alors, on continue avec les catastrophes. Bon, ce n'est rien. Les actus du sport arrivent dans quelques instants et il y aura Toto avec Hold the Line. Normalement, c'est ce qui est prévu. Et puis tout de suite, eh bien, voici un excellent titre de la jeune chanteuse Dua Lipa, extrait de son album Future Nostalgia. Voici Love Again. I never thought that I would find a way out. Never thought I'd hear my heart beat so loud. I can't. that somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love. L'excellente Dua Lipa avec son tout dernier titre, Love Again. Et voici les actes du sport, tout de suite. Et bien avec le Tour d'Italie, et oui, puisque le Giro 2021 est en cours, mais bien sûr, et la première étape, et bien a été remportée par le champion du monde en titre du contre-la-montre, Filippo Ganna, qui a donc gagné cette première étape, voilà. Pour ce que je pouvais vous dire, je suis perdu, oui, bah voilà, tout simplement. Les leaders, eh bien du côté des favoris, hein, les leaders de Kenim Quickstep ont marqué des points, puisque c'était un contre-la-montre, hein, pour commencer. Est-ce que je reprends ces actus du sport depuis le début? Je disais donc, le Giro a débuté avec la première étape remportée par le champion du monde en titre du contre-la-montre. Ça paraît logique, puisque c'était un contre-la-montre remporté donc par Filippo Ganna, le champion du monde en titre du contre-la-montre. C'était à Turin, la première étape du Tour d'Italie. J'ai beau reprendre du début cette chronique, c'est toujours compliqué. Partons du côté des moteurs avec de la Formule 1, puisqu'il y a un Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui. Il est à Barcelone et c'est la 100e pole position pour Lewis Hamilton qui partira donc ce dimanche en pole position. Il sera suivi du pilote de l'écurie Mercedes, Max Verstappen. Non, il sera suivi de du pilote de l'écurie Red Bull, pardon, Marc Verstappen, ainsi que de son coéquipier de l'écurie Mercedes, Valtteri Bottas. Du côté des autres Français, eh bien, le premier Français s'élancera en... Attention que je prenne tout cela. Il s'élancera eh bien cinquième. Charles Leclerc s'élancera quatrième. Les Français ou les francophones en tout cas très très bien placés pour ce Grand Prix de Barcelone à l'issue des séances de qualification. Donc on continue avec oui là, je vraiment c'est une catastrophe toujours compliqué ces actus du sport. On continue avec eh bien la Ligue 2 et oui un petit peu de foot. 3 sera officiellement de retour en Ligue 1 la saison prochaine puisqu'ils ont été sacrés ce samedi champions de Ligue 2 et de Ligue 2 et valident donc leur billet pour la Ligue 1. Ils ont vaincu Dunkerque 2-0 et s'assurent donc la première place de la Ligue 2. Bravo à l'équipe de 3. Donc on termine avec la Ligue 1, mais oui la Ligue 1 puisqu'il y a des matchs aujourd'hui. Et oui, et oui, il y a 10 matchs. Saint-Etienne va jouer contre Marseille dans un peu plus d'une heure à 13h, à 15h, Strasbourg va affronter Montpellier, Metz jouera contre Nîmes, Angers contre Dijon, Nice contre Brest, à 17h05, c'est précis, Monaco va affronter Reims, et puis la grande affiche de ce soir à 21h, le Paris Saint-Germain jouera contre Rennes après sa défaite en Ligue des Champions cette semaine. Du côté des matchs déjà disputés, eh bien hier en 36e journée de Ligue 1, donc Nantes a battu Bordeaux 3-0, et Lyon a écrasé Lorient qui s'est tout de même bien défendu 4-1. Voilà pour les actus du sport, les actus sur la Ligue 1. Donc dans quelques instants, eh bien nous allons rapidement faire un point sur les actus des médias. Le classique de la case du week-end. Les actus des médias arrivent effectivement dans quelques instants. On va parler de chaînes info, ou en tout cas de chaînes qui se disent chaînes info, et on va parler d'audience. Voilà, ça fait beaucoup d'on va parler. Bah c'est normal, on va parler dans quelques instants, médias. Juste après ce grand classique musical sorti en 1978, voici Toto avec Hold the Line. Love is an always. Radio Antigone. Les actus des médias. Nous venons d'écouter Toto avec Hold the Line. Ça y est, j'ai réussi à prononcer. J'avais du mal à faire la liaison avec Hold the Line. Je sais pas, je me ratais à chaque fois depuis le début de cette émission. Ça y est, c'est fait. Hold the Line, Toto, que nous venons donc d'écouter. Vous avez entendu ce beau générique des actus des médias. Pour parler aujourd'hui, eh bien, de chaîne info. Ou en tout cas, de chaîne qui se dit chaîne info. Puisque ça a été le grand bouleversement cette semaine. Du côté, eh bien, de la bataille entre CNews et BFM TV, les deux plus grandes chaînes d'information respectivement sur le canal 16 et le canal 10, sur le canal 15, le 16 et le canal 15 de la TNT, comme j'ai dit, CNews puis BFM TV, BFM TV canal 15 et CNews canal 16 donc, et cette semaine, eh bien, CNews est passé devant BFM TV en audience, oui, cette semaine, CNews est passé donc devant BFM TV en audience, premier passage, c'était le 4 mai avec 2,7% d'audience pour CNews contre 2,5% d'audience pour BFM TV le 3 mai donc, pardon, excusez-moi. Et le schéma s'est reproduit quelques un ou deux jours après avec une nouvelle bonne performance de CNews qui a fait 0,1% d'audience en plus une nouvelle fois. Voilà, c'est donc un grand débat qui se fait en ce moment. Est-ce que CNews est vraiment première chaîne d'info de France, puisque CNews est-elle vraiment une chaîne d'info, en tout cas la chaîne qui est assez dirigée vers la droite voire l'extrême droite, a donc cette semaine fait plus d'audience de CNews que BFM TV, ce qui en inquiète certains, et c'était l'information dont je voulais vous parler dans cette case des médias de cette fin d'émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Radio Antigone, 10h midi, la case du week-end. Ces actus des médias étaient encore bien compliquées, j'ai l'impression. Voilà, je suis vraiment désolé. Désolé pour cette émission, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, ce n'est pas sûr, pour une nouvelle émission. Salut, à bientôt. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.